trouver un sens ou une idée pour enfin exprimer ce qu'aimer peut donner en toute simplicité. Ce n'est pas bien sensé laisser son cœur aller. Les images qui se forment en mon âme, moi j'y crois. Si le temps loin devant, je le suis pas à pas. Ta beauté et ton charme sont un art si divin. Moi qui ai dû tomber pour te trouver enfin. Mais la pensée m'abandonne, est-ce la vérité? Je sais que rien ni personne pourrait m'arrêter. Croire en soi, en son âme sœur, châtiment de douceur qui m'a enlisé. Mais je ne me presse plus, j'ai bien tout mon temps. Et je me sens tout ému, c'est elle que j'attends. Et moi qui ai tant voulu vivre cet instant. Et j'ai mis mon cœur à nu, j'ai pris tout mon temps. Mais la pensée m'abandonne, est-ce la vérité? Je sais que rien ni personne pourrait m'arrêter. Croire en soi, en son âme sœur, pourrait libérer du châtiment de douceur qui m'a enlisé. À présent, j'ai la force avec moi, partager et donner sont des choses que je crois. Renoncer à aimer ne sera pas pour moi. Se lier, s'enlacer, c'est la vie qui veut ça. Personne